Chapitre 37e, le dîner du grand shérif. William Halliburton conduisait en cabriolet sa femme au manoir de Deofam, où il devait passer la nuit. Devant le presbytère, à la porte du jardin, ils aperçurent Anna, non pas Annaline, mais Anna Gurney. « William, William, voilà Anna !» s'écria Marie, « je veux descendre. » William arrêta la voiture et demanda à Marie s'il devait l'attendre ou continuer jusqu'au château et revenir la chercher. « Va au château, » dit Marie, qui tenait à rester avec Anna. « Mais William ne va pas laisser ma malle à l'écurie. »« Avec toute ta bijouterie, » dit-il en riant. « Elle contient ma toilette du dîner, » expliqua Marie Anna. « Il y a longtemps que tu es ici ?»« Depuis une heure environ. » »« Mon mari avait affaire un peu plus loin, et il m'a laissé ici. »« Quel joli jardin !»« Bois, j'ai cueilli les fleurs de gare. » »« Où est Madame Halliburton ?» demanda Marie. Dobbs l'a appelé pour régler quelques disputes culinaires. Dobbs est un vrai tyran pour la nouvelle servante. « Mais parle-moi de toi, Anna, » dit Marie en s'asseyant avec elle sur un banc du jardin. « Je t'ai à peine vue depuis ton mariage. Aimes-tu bien être maîtresse de tes actions ?»« Oh, c'est charmant !» s'écria Anna avec ses manières enfantines d'autrefois. « Marie, sais-tu, Charles me permet de ne plus mettre mes bonnets d'autrefois. » Marie se met à rire. Au grand scandale de Patience, oui. Un jour, Patience est arrivée comme nous dînions. Je n'avais pas l'ombre de bonnet sur la tête. Patience prit un air de mauvaise humeur, mais comme les domestiques étaient là, elle ne dit rien. Quand il se fut retiré, elle dit à Charles qu'elle était surprise qu'il me permît pareille chose, que j'étais déjà bien assez vaine et étourdie, que cela me rendrait pire. Charles sourit, il mangeait des noisettes, et que crois-tu qu'il lui a répondu ? Il... Mais je ne veux pas te le dire. Interrompit Anna en se cachant la figure dans ses jolies mains. « Oh oui, Anna, dis-le-moi. » Il a dit à Patience qu'il aimait bien me voir sans bonnet et qu'il n'y a pas de nécessité à ce que j'en mette un avant que j'aie des enfants assez grands pour que je leur donne l'exemple. Anna ôta son chapeau de paille et ses boucles tombèrent autour de ses joues fraîches. Marie se demanda si les enfants auraient d'aussi jolies figures que leur mère. « Quand viendras-tu passer la journée avec moi ?» « Comme tu me l'as promis, » demanda Anna. « Bientôt, quand les assises seront passées. Comme vous allez vous amuser ce soir. Comme nous allons être en grande cérémonie, veux-tu dire. Recevoir des juges, des doyens et des évêques n'est rien moins qu'amusant. C'est un vrai dîner d'État. Quand j'ai vu papa, je lui ai demandé si nous aurions les valets d'armes en garde dans la salle à manger. » Anna se mit à rire. « Franck et Gary seront-ils ? Sans doute. Le grand shérif ne pourra pas donner un dîner sans avoir son chapelain à la droite de maman pour faire la prière, » répondit Marie. William revint. Ils passèrent ensemble le reste de l'après-midi. Jane leur offrit le thé. Il l'avait à peine fini que M. Gurney arriva avec sa belle voiture découverte attelée de superbes chevaux. Il reprit possession d'Anna, la fit monter, s'assit à côté d'elle, prit les rênes et partit. William et Marie prirent la route du manoir. Il n'y avait que 10 minutes de marche, mais le soir approchait. Henry les rencontra lorsqu'ils entrèrent et commença tout de suite d'un ton de mauvaise humeur. « Qu'est-ce que vous avez donc à vous dire, vous deux ?»« Moi, je vous attends, monsieur William. Je comptais passer l'après-midi avec vous. Ma mère attend Marie et rien n'arrive qu'une boutique de couturière. Et vous faites votre apparition quand il est l'heure de faire sa toilette. » Nous sommes restés au presbytère, Henry, et je ne savais pas que maman avait besoin de moi. Anna Gurney était là. Anna Gurney ? Qui est donc Anna Gurney pour déranger ainsi tout le monde ? Je voulais William, cela devait suffire. Est-ce que vous vous imaginez, Madame Marie, que vous allez le monopoliser parce que vous êtes mariée avec lui ? Marie alla derrière son frère et lui passant ses bras autour du cou. Je te le prêterai de temps à autre si tu es bien sage, chuchota-t-elle. Toi, misérable créature, maman désire que tu lui coupes des fleurs de serre pour la table du dîner. Vraiment ? Je vais le faire. C'est ça, le faire, quand il y a une heure que c'est fait. William, je ne compte pas descendre ce soir. Pourquoi ? C'est un ennui de s'habiller, et d'ailleurs, mon côté ne va pas merveilleusement aujourd'hui. Et votre ingrate conduite m'a mis sens dessus-dessous. Condamner quelqu'un à attendre des heures, à se dépiter, à se fâcher, je ne descendrai pas. William me représentera. Oui, tu descendras, répliqua William, car tu sais qu'autrement tu ferais de la peine à M. Ashley. « C'est bien à vous de parler de peine. Peu vous importe si vous m'en faites. » William le prit amicalement par le bras. « Viens à ta chambre et je t'aiderai à t'habiller. une fois prêt, tu feras ce que tu voudras. Tu me traites comme un enfant, grommela Henry. Dis donc, est-ce que les juges viendront avec leurs perruques ? Marie éclata de rire. Parce qu'il faudrait dans ce cas ôter du vestibule cette vitrine remplie de hiboux empaillés. Ils auraient l'air de faire des allusions. J'espère qu'il y a un bon feu dans ta chambre, Henry. La déesse qui préside au feu du château fort bien en avoir fait un. Si elle ne tient pas à encourir ma fureur. Marie alla trouver sa mère qui s'habillait. Ma chère enfant, comme tu es en retard. J'ai amplement le temps, maman. Nous sommes restés au presbytère avec Anna Gurney. Henry dit qu'il n'est pas très bien. Il dit cela toutes les fois que William le contrarie. Il va se remettre maintenant que vous êtes là. Va dans ta chambre, ma chère, je t'enverrai Sarah. Marie était prête et la femme de chambre loin, avant que William pût quitter Henry et venir lui-même s'habiller. Marie portait une robe de soie blanche et une parure d'émeraude. « Suis-je bien, William ? » demanda-t-elle quand son mari entra. « Bien ? » répéta-t-il en la parcourant des yeux. « Non. Comment ? Qu'est-ce qui me manque donc ? » s'écria-t-elle en se tournant précipitamment vers la grande glace. « Voilà ce qui te manque. » Et il la prit dans ses bras et l'embrassa avec affection. « Ma petite femme bien-aimée, tu ne seras jamais bien sans cela. » Malgré les craintes de Marie, la réunion n'avait rien de bien formidable. Les juges, dépouillés de leurs perruques et de leurs robes écarlates, avaient l'air de simples mortels. Sir William Carlyle plut à Jane comme le lui avait prédit Frank, et M. Gordon était un excellent homme, assez bavard, grand amateur de bons mots et de bons dîners. Il admira fort Marie Halliburton, et quand vint le café, il avait l'air tout disposé à lui faire la cour. En sa qualité de juge, il aurait dû, à notre avis, recevoir une réprimande de l'évêque. À l'autre bout de la salle, leur tasse de café à la main était Sir William Carlyle, le doyen de Helstonleigh, M. Ashley et son fils. Ils causaient des Halliburton. Sir William savait en partie leur histoire par Frank. « C'est étonnant, disait-il, élevés de cette manière, par leurs propres ressources, et être ce qu'ils sont. »« Pas tout à fait, dit le doyen, car les deux cadets, l'avocat et le pasteur, ont suivi notre collège. L'aîné, le gendre de mon ami, n'a jamais pris une leçon depuis la mort de son père, et cependant vous trouverez difficilement dans tout le comté un homme plus instruit. » Le père est mort sans leur laisser grand-chose, n'est-ce pas ? Il ne leur a rien laissé du tout, Sir William, observa M. Ashley. Il leur a légué à sa mort que le mobilier de la petite maison qu'ils occupaient et quelques dettes. La pauvre Madame Halliburton se vit obligée de travailler sans relâche, et non seulement elle réussit à les entretenir, mais leur donna une forte éducation. C'est ainsi qu'elle en a fait des hommes remarquables. Le juge regarda Jane. Elle était assise sur un sofa, causant avec l'évêque. Elle était si calme, si attrayante, si distinguée dans la robe de moire gris-perle qu'elle avait le jour du mariage de William, qu'on avait peine à croire qu'elle eût tant travaillé pour gagner sa vie. « J'ai entendu parler d'elle par Frank. C'est une femme entre mille. »« Entre un million, Sir William, s'écria Henry. Quand les Halliburton étaient enfants, vous n'auriez jamais pu les engager à faire quelque chose de mal. Ni les tentations, ni les épreuves n'auraient pu les faire dévier du droit chemin. Ils ne s'en détourneraient pour rien au monde, maintenant. » Le juge alla vers Jane et s'assit à la place que l'évêque venait de laisser vacante. « Madame Halliburton, lui dit-il, vous devez être fière de vos fils. » Jane sourit. « J'ai été dernièrement obligée de m'en vouloir de ce que je l'étais, Sir William, répondit-elle. « Vous en vouloir ? Je voudrais avoir trois fils dont je puisse être aussi fière. Madame, ce n'est pas que j'aime me plaindre des miens, mais ils ne sont pas comme les vôtres. « Croyez-vous que Frank réussisse ? Demanda-t-elle. « Ce n'est plus une question. » Il a commencé d'une manière très remarquable. Je ne serais pas surpris si, dans quelques années, il se voyait appelé aux plus grands honneurs. Jane sourit encore. Il a eu l'habitude de me répéter qu'il comptait diriger l'Angleterre comme grand chancelier. Le juge se mit à rire. Je n'ai pas connu un seul nouvel avocat qui n'ait pas caressé cette vision. Je l'ai fait moi-même. Mais il n'y a pas beaucoup de Frank Halliburton. Ainsi, monsieur, dit-il en s'adressant à Frank, qui passait près de lui, « J'apprends que vous songez à la chancellerie. »« Y songer à une si grande distance n'est pas vouloir prendre la place par trahison, » répondit vivement Frank. « Eh bien, que feriez-vous à la chancellerie si vous y arriviez ?» s'écria Sir William. « Mon devoir, Sir William. » Sir William le suivit des yeux d'un air intéressé. Jane commence à penser que le rêve de Frank, non pas quant à la chancellerie, mais au sujet de Maria Carla, il n'était pas irréalisable. « Je sais qu'elles ont été volutes, lui dit le juge à voix basse. Franck m'en a parlé. Comment avez-vous pu les supporter si longtemps? J'ai peine à me l'imaginer. » « Je n'aurais jamais pu le faire sans ma confiance en Dieu, » répondit-elle. « Bien des fois, Sir William, quand l'orage grondait sur ma tête, je n'ai eu ni aide ni consolation en ce monde. »« Eh bien, je n'ai jamais perdu ma confiance en Dieu. Aussi Dieu vous a-t-il secouru ?» dit le juge à demi-voix. « Oui, Dieu m'a soutenu et délivré. Je voudrais, » ajouta-t-elle avec accent, « que le monde a pris la leçon que j'espère humblement avoir inculquée à mes fils. »« Franco à Maria, » se dit le juge. « C'est une famille admirable que la vôtre. Le jeune chapelain prendra une autre de mes filles, s'il la veut. » « À quoi donc ?» pensait William, debout, un peu à l'écart, avec son front serein et son sourire pensif. Il songeait à cette soirée, qui avait succédé à son premier jour d'entrée dans la manufacture de M. Ashley, alors qu'il s'est jeté à terre et s'était mis à sangloter. « Courage, mon enfant, » lui avait dit sa pauvre mère, « fais ton devoir et confie-toi en Dieu. » Et quand elle l'avait quitté, que ses larmes et ses sanglots s'étaient apaisés, il avait pris la résolution de faire ce qu'elle lui avait dit, et il s'était mis à genoux pour demander à Dieu de l'aider. Depuis cette heure-là, jamais William n'avait senti son courage faiblir. Il avait réussi au-delà de toute attente, et ce succès était dû à sa confiance. Oh, comme l'avait dit Jane à Sir William, pourquoi le monde ne veut-il pas comprendre et adopter cette grande vérité que Dieu nous enseigne? « Parce qu'il a mis son affection en moi, je le délivrerai, je l'élèverai, parce qu'il a connu mon nom. » Ainsi s'achève « La famille Halliburton » par Mrs. Henry Wood.